Certains passent toute leur existence loin de leur pays natal. D'autres se moquent bien du coin de terre où ils ont vu le jour. D'autres encore vont passer toute leur vie à rêver d'un éventuel retour au pays natal. Cet amour d'un coin de terre peut prendre des formes étranges et inquiétantes. Être ou ne pas être, là est la question. Nous sommes dans la dernière année du 19e siècle, en 1899 exactement, c'est pourquoi la suite de notre histoire est de notre époque, enfin presque. Nous sommes aux États-Unis et là-bas, on vit encore à l'heure des voitures à chevaux, des cols durs et des bottines à boutons. Ce soir-là, toute la troupe de la Shakespearean Company est inquiète. Edward Winston Mackenzie, l'acteur vedette de la troupe, se sent très mal. Le directeur confie au régisseur, pendant le dernier acte, Edward n'a pas cessé de tousser, de cracher du sang. C'est très mauvais signe. Alors c'est donc vrai? Il est phtisique? Phtisique est le mot qu'on emploie à l'époque pour dire tuberculeux. Le régisseur s'inquiète. Vous ne pensez pas qu'il va nous lâcher comme ça en pleine tournée? J'ai fait appeler un médecin de Galveston, il est très pessimiste. Je crains le pire. Effectivement, Edward Weston Mackenzie décline rapidement. Son habilleuse Marianne et sa partenaire principale Philomena Parkson sont auprès de lui. Philomena, malgré ses 50 ans bien sonnés, est encore vêtue de la robe blanche de la tendre et virginale Ophélie. Mackenzie n'a pas eu la force de quitter le pourpoint de velours noir d'Hamlet. Dans un souffle, il murmure « Je voudrais tellement avoir le temps de revoir mon cher Ouskamegi, ma terre canadienne, juste avant de mourir. » Du Texas au Canada, il y a loin. Surtout pour une troupe de théâtre, il est impossible de transporter le malheureux Mackenzie. Et que deviendra la troupe sans lui? C'est d'ailleurs un faux problème, car dans l'état où il se trouve, Mackenzie est bien incapable de lancer à nouveau le célèbre « être ou ne pas être ». Patron, ça y est, je crois qu'il est mort. Ophélie Philomena Parkson vient de pousser ce cri dans les coulisses du théâtre impérial. La catastrophe attendue est arrivée, le directeur de la troupe tient à fermer lui-même les yeux naguère si bleus et si impressionnants de sa chère vedette. Que comptez-vous faire de lui, patron? Que croyez-vous que je puisse faire? Certainement pas le traîner avec nous à travers toute l'Amérique, même dans un tonneau de whisky. On l'enterre sur place et voilà tout. La troupe se cotise pour offrir une belle tombe à Mackenzie. Tout le monde s'est montré généreux dans la mesure de ses moyens. Edward Winston Mackenzie est enfermé dans un magnifique cercueil en chêne. L'intérieur est une caisse de plomb hermétiquement close. Évidemment, avec la chaleur de l'été texan, l'inhumation se fait dans la fraîcheur relative du soir. Déjà, on fait imprimer de nouvelles affiches. L'acteur qui jouait le rôle modeste de Rosencrantz reprend le rôle vedette, non sans une certaine jubilation. Le lendemain soir, la Shakespearean Company joue au loin, c'est-à-dire à 50 miles. De temps en temps, on évoque le souvenir du pauvre Mackenzie, enterré là-bas, loin des siens et de son cher Canada. Sa femme et ses deux enfants ont d'autres problèmes à résoudre. Impossible de faire les frais d'un rapatriement, on verra plus tard. Un mort, de toute manière, doit posséder toute la patience du monde. Que peut-il attendre à part la résurrection des morts? Mais connaissant Edward Weston Mackenzie, il aurait fallu se méfier. En 1913 exactement, soit un an après la mort de l'acteur vedette, un cyclone épouvantable dévaste la région de Galveston. Le cimetière lui-même est inondé. Inondé est un mot faible. Le cimetière est ravagé par les flots. Les tombes sont bouleversées. Les cercueils remontent à la surface. Deux ans plus tard, la Shakespearean Company se retrouve à Galveston, toujours avec le répertoire classique. Les acteurs plaisantent Michael Subleton, le nouvel Hamlet. « Tu te sens bien, Coco? Pas de problème pulmonaire ?» N'oublie pas que c'est ici que notre vrai Hamlet a terminé sa carrière. Espérons que tu ne vas pas nous faire la même sortie. Subleton n'apprécie guère ses piques plus ou moins aimables. Oh, Mackenzie par-ci, Mackenzie par-là. Il toussait tellement que ce n'est pas Hamlet qu'il nous donnait, c'était la dame aux camélias avec des moustaches. Le directeur de la compagnie calme le jeu en déclarant « Demain, après le déjeuner, je vous propose d'aller porter quelques fleurs sur la tombe de notre cher Mackenzie. Philomena, tu as reçu tellement de fleurs ce soir. Je crois qu'Ophélie pourrait bien se séparer de quelques roses. De toute façon, elles seront fichues dès demain. » et c'est une troupe recueillie qui entre dans le cimetière de Galveston. Un cimetière encore modeste. L'Amérique est un jeune pays et la ville n'est pas une métropole. Excusez-nous, monsieur, vous êtes le gardien. Nous cherchons la tombe du célèbre Edward Weston Mackenzie, le grand acteur de la fameuse Shakespearean Company. Nous l'avons nous-mêmes enseveli ici. Vous vous souvenez sans doute de l'événement, c'était tout près de la chapelle. Le gardien ne se souvient de rien. Il ignore tout de la gloire de Edward Weston Mackenzie. Ah, c'est vous, les saltimbanques. Mackenzie, vous dites ? Oh, vous savez, c'était en quelle année votre enterrement ? En 1899. Oh ! Depuis, nous avons eu la grande inondation de 1900. Ça en a fait du dégât. Certains des cercueils ont été emportés par le reflux des eaux sur la plage même. On dit que d'autres sont partis en mer. Oh, impossible que la dépouille de notre cher grand Edward Weston Mackenzie soit partie en mer. Nous l'avons fait inhumer dans un cercueil entièrement doublé de plomb. Le directeur ajoute plus bas, c'était pour qu'il parvienne au jugement dernier sans être dérangé, et aussi pour éviter les odeurs. Quoi qu'il en soit, la tombe de Mackenzie demeure introuvable. Philomena dépose son bouquet de roses à l'endroit où l'on aurait dû retrouver le grand acteur shakespearien, et l'on repart afin de se maquiller pour la représentation du soir. Les années passent. Là-bas, à Ouskamegi, au Canada, la veuve de Mackenzie a fait ériger une petite stèle dans le gazon du cimetière. C'est là que son cher époux aurait dû être enterré. Tous les ans, elle et ses enfants viennent s'y recueillir. Un jour, en mer, au large de l'île du Prince-Édouard, des pêcheurs de la Marie-Rose s'activent pour remonter leur filet chargé de cabillauds frétillants. « Capitaine, on a fait une pêche miraculeuse. Jamais le filet n'a pesé aussi lourd. Ah, ça m'a payé !» Le capitaine, l'air dubitatif, jette un regard par-dessus le bastingage. « Si ça se trouve, vous allez me remonter une charogne, un cachalot pourri, ou quelque chose dans le même style. Allez-y, souquez, qu'on voit un peu ce que la chance nous apporte. » Effectivement, le filet ne remonte rien de comestible. C'est une caisse en bois. Ça a l'air ancien. Le mousse crie. C'est peut-être un trésor. On dit que des pirates ont enfoui des caisses de pièces d'or sur la côte. La ferme, Moussaillon. Ah, tu parles d'un trésor. Tu vois pas que c'est un cercueil? Du coup, tout l'équipage se tait. À part les marins qui souquent dur pour remonter le filet, tous les autres ôtent leur bonnet de laine. Certains font un signe de croix. Là, dans le filet, c'est bien un cercueil couvert d'algues et de coquillages qui apparaît au milieu d'un tas de poissons frétillants. Une fois le cercueil à bord du bateau, tout l'équipage se rassemble. Certains sont partisans de rejeter immédiatement à l'eau la sinistre découverte, d'autres veulent l'ouvrir, histoire de voir si par hasard, il ne serait pas rempli d'or et de pierreries. Regardez, il y a une plaque gravée. Ça doit être le nom du mort. On nettoie la plaque de cuivre verdi. Edward Weston Mackenzie, acteur, 1846-1899. Le capitaine déchiffre péniblement une citation gravée dans le métal. Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que n'en rêve notre philosophie. Personne à bord ne sait qu'il s'agit d'une réplique de Hamlet de Shakespeare. En définitive, le capitaine décide que le cercueil ne sera pas ouvert. On ne doit pas déranger un mort s'il a décidé de venir dans nos filets. Mais patron, s'il y avait un trésor dedans, la ferme. De toute manière, s'il y avait un trésor, c'est moi le maître à bord et c'est donc moi qui le récupérerai. Bien évidemment, lorsque le chalutier arrive au port, la nouvelle se répand plus rapidement qu'une traînée de poudre. La Marie-Rose rapporte un cercueil. Certains considèrent qu'il s'agit d'un mauvais présage. Mais l'étonnement est à son comble quand on apprend l'identité du mort. C'est Edward Weston Mackenzie, c'est lui! Pourquoi les habitants de ce port minuscule du Canada connaissent-ils le grand acteur shakespearien? Tout simplement parce que le port d'attache de la Marie-Rose est Ouskamegi, le village même où Mackenzie est né. Quelle est la force qui l'a poussé à revenir ici? Quel est le miracle qui a permis que son cercueil de plomb dérive à travers le golfe du Mexique, qu'il aille se perdre dans les courants du Gulf Stream, qu'il remonte toute la côte est des États-Unis et qu'il se manifeste enfin en s'accrochant dans les filets de la Marie-Rose après avoir parcouru 7500 km en mer pendant 8 ans? comprenne qui pourra. Depuis 1908, Edward Weston Mackenzie repose dans l'église même où il avait été baptisé 62 ans plus tôt.